aimer de toi et chanter la la la la la la la. 1, 2, 3. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. 1, 2, 3. Jouer, jouer, musicien, enchante-moi, magicien. Bye.